Je suis dégueu, je suis infect, je crache, je rote, je pue, je pète. Je veux rester à ma maison, je veux fumer, c'est ça qui est bon, car je suis chansons sur nos amis sans dire leur nom. C'est rigolo voir galérer ces gros blaireaux à s'identifier, car on est tout pourri, car on est tout pourri. Et le pire, c'est qu'on est fier, ouais. Tout pourri, tout pourri. C'est vrai qu'on est dégueulasse quand même.